Oh. Atiké Kops dans la maison, mon pote. Ici même en direct. Oh. J'suis dans une petite rue en fond de 5ème. Fond de 5ème, fond de 5ème. J'attends pas le premier milli, j'attends le 35ème. 35ème, 35ème. Sacré mon blaze dans toute la vie. J'l'ai baisé pendant une heure, elle m'aimera toute la vie. On connaît les grosses têtes, ceux qui poussent l'élite. Ta femme, c'est pas une puff, elle est toute skinny. J'suis au soleil, j'prends un peu de bon temps. Et quand j'reviens, j'fais un peu de plata. Ma mère sourit, elle est grave contente. Ma femme sourit quand elle sort Prada. J'suis dans l'auto qui fait vroom vroom sur le Prado. Ouais. Gentil, car ici les méchants se font écraser. C'est pour les vaillants, pas ceux qui bandent sur des faux voyous. C'est pour les vaillants, pas celles qui bandent sur des faux voyous. C'est pour les vaillants, pas ceux qui bandent sur des faux voyous. C'est pour les vaillants, pas celles qui bandent sur des faux voyous. Nouvelle paire de Asics pêche, Asics pêche, Asics pêche. Gros pétard, Ciroc pêche, Ciroc pêche, Ciroc pêche. Voiture allemande, direct elle monte. Elle a vu la montre, elle fait tellement. J'ai le maniement, je suis un malinois. À Marseille Beach, moi je suis un monument. Nique sa TV Honda sur les champs. Dans la merde, j'compte pas sur les gens. Par le mal et on se bat sur le champ. Si tu chantes, on te chatte, on est bête et méchant. Vodka dans la bouteille, te chie dans la putette. J'ai des sous, j'ai plus d'aide. Des fois sur un coup de tête, je me taille à Phuket. Nique sa mère le Phuket. Fais pas le choix avec nous, tiens fatigué. Il m'a tendu la main, je l'ai pas checké. C'est peine d'y croire, mais le mieux c'est de pratiquer. Maintenant pourquoi tu me suces, tu m'as critiqué. J'ai des armes qui font bam bam bam. Quand je veux le silencieux, ils font. Si ça pète, n'appelle pas papa. Moi je viens de Marseille comme. Mon frérot, 10 points c'est pas assez. Quand les grands boss, les types sont calachés.